Salut à tous, bienvenue dans Overdrive. C'est parti pour 90 minutes de musique qui pulse sur le 895 de Radio Dio. En ouverture, vous venez d'entendre OPEF avec ce A Dirge for November, extrait du définitif Blackwater Park. Le groupe sortira son nouvel album Last Will and Testament au cours du mois de novembre. Il vient d'être repoussé de quelques semaines suite à un problème de pressage à l'usine de vinyle. Donc restez bien au chaud dans votre rocking chair pour écouter Overdrive derrière votre tuner. Ce soir dans Overdrive, on aura encore une fois une interview réalisée au Motocultor Festival avec cette fois Baroness, sur laquelle on a eu John, chanteur-guitariste du groupe américain, ainsi que la guitariste Gina qui officie maintenant dans le quatuor depuis quelques années. Voilà, on commence avec du heavy metal de tradition, Out of My Mind Heavy Metal, sur le dernier album de Impalitory, tout de suite dans Overdrive Radio Dio. Hands up and bring your head, my fist is raised. Yes, excellent guitariste que ce Christine Pelletieri avec son dernier album qui vient le jour ce jour-ci du côté de Frontiers Records. Et on va continuer avec du heavy metal pur et dur maintenant. Et le groupe Grand Magus, excellent trio suédois de pur heavy metal. Ils avaient commencé en faisant une musique un petit peu stoner doom sur leurs premiers albums avant de s'orienter de plus en plus vers un epic doom d'influence un petit peu manoir dans les thématiques. Ça reste en tout cas très bon avec une excellente voix de la part de JB qu'on a aussi connu au sein de du groupe Spiritual Beggars en compagnie de Michael Amoff, guitariste de Arch Enemy. Et c'est vraiment excellent. On s'écoute ça tout de suite. Winter Storm, extrait de leur dernier album Sun Raven. We'll be right back.

Voilà, vous venez d'entendre un Nightwish avec son Yesterwind tout de suite dans Overdrive. Et le morceau The Day Of. Pour un Nightwish peut-être un peu plus calme, un peu moins métal dans la mise en son. On va passer à un excellent groupe, un groupe que j'apprécie tout particulièrement, qui s'appelle DAD, tout simplement pour Disneyland After Dark. Disneyland After Dark, qui nous sort cet album Speed of Darkness. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'un excellent groupe danois de hard rock. Traditionnel, mais qui a vraiment une personnalité forte et qui nous sort à chaque fois des titres et des refrains qui font absolument mouche. On retrouve sur ce morceau Crazy Wind, extrait de leur dernier album Speed of Darkness, des guitares que ne retenirait peut-être même pas un certain The Edge de U2, avec un côté un petit peu plus rock. Bref, ça fait un excellent mélange et je recommande à tout le monde DAD. I'm ready now. Tell me the way to where the gold is, 'cause I can't find it, what I want and where my soul is. And I don't know, or if my father hears me now, and where I go. keys to a burning house. You don't know, you just don't know. There'll be nothing but ashes by the time we're through. It's all been said and done, and yet you still keep trying. Can I write this wrong? Push out a blind. Rather go down and learn how to swim. Eyes up, bust up as you see. Wanna stay at the party while everybody leaves. This used to be a dream. Now it's a Babylon. Wake up, it's time to leave. But you keep hanging on. Your head is underwater, and you still try to please out. Save your breath, cause it's wasted. Yes, vous venez d'entendre Black Oak Country avec cet album Free sorti sur Mighty Music et le morceau Save Your Breath. Tout de suite, on va passer maintenant à du français avec Satur qui sort cet mini-album 4 titres Secrets sur MNO Music et on en voit tout de suite un morceau que ne renierait pas un certain D.A.D. qu'on a écouté juste un peu plus tôt avec Shattered Dreams. Feel ready. The memory. Compagnie de la Ferrarock, Overdrive a eu la chance de rencontrer John et Gina de Baroness lors de l'édition 2024 du Motocultor. L'occasion rêvée de faire une superbe interview en leur compagnie et revenir sur leur dernier album en date, Stone. C'était lors du Motocultor 2024, ce qu'on enchaînera tout de suite par un extrait de leur dernier album, Stone, par Baroness. Je suis au Motocultor en compagnie de John et Gina de Baroness. C'est le dernier concert pour vous sur cette série de festivals. Comment ça s'est passé? It's been really fun. C'était super, un super été. Parlons de votre musique, Golden Grey. Votre précédent album était un disque dense et expérimental. Stone, votre dernier album, est plus immédiat, même si la diversité est toujours présente. Était-ce une décision consciente? Oui, car nous aimons avoir des différences entre chaque album. Golden Grey, Golden Grey was sort of our avec beaucoup de couches différentes. Nous voulions quelque chose de plus ouvert, plus immédiat, plus libre. For sure, and I think it's obvious through the. Et c'est quelque chose qui saute aux oreilles. Through the records that's it feels a little it feels a lot different to us. Yeah. Listening to the latest album. En écoutant le dernier album, there's a real flow. Il y a une véritable continuité dans les chansons. On the new album. Is it important for you to listen to the album? Est-ce que c'est important pour vous d'écouter l'album en entier d'une traite? Yeah, absolutely. So the album format is still very important for you. Absolutely, yeah. Yeah, I think it's the only way. En fait, je crois que c'est la seule façon d'écouter de la musique. On the album, what was the quelle était l'idée derrière l'interlude The Dirge qui apporte une certaine respiration derrière l'album? Yeah, I mean I think that's partially and probably primarily what purpose we felt that it served as well. On s'était dit qu'il fallait une respiration. There's not a ton of like rules. Il n'y a pas énormément de règles lorsque l'on écrit un album. Some things include. Mais il y en a quelques-unes. We have on any record. We don't have two songs that are. Nous ne voulons pas nous répéter. Similarly, we found that. Et également, nous avons des choses un peu plus acoustiques, purely acoustic or sort of. Ou alors qui ont un peu plus de volume. A little with a little bit less volume. Et less like. Cette interlude, qui est le dernier morceau que nous ayons écrit pour l'album, nous apporte ce genre de respiration au milieu de l'album. Le premier morceau de l'album, le morceau du milieu et celui de la fin, représentent un petit peu comme la scène d'ouverture, le petit interlude et le générique de fin d'un film. Est-ce que vous avez l'image d'un album complet en tête lorsque vous écrivez la musique? Oui, de manière instinctive. you have to, you know, I think quand nous avons écrit l'ensemble de la musique, nous avions l'impression, le sentiment que quelque chose manquait d'une manière générale. Donc, rajouter quelque chose peut aider à compléter l'image globale pour rendre l'histoire complète. Un autre point à noter sur cet interlude est l'harmonie vocale. Est-ce que la collaboration avec Gina s'est développée sur cet album Stone? A great atmosphere in my so would you say that the relationship that you have with Gina is more productive in a way, more coming together on this Stone album? Oh, for sure. Yeah, I mean the band so l'harmonie est primordiale dans le groupe. Have to harmonize in certain ways, and then Gina and I as co-vocalists and as co-guitar players, we have to harmonize. Nous sentons lorsque nous devons faire des choses ensemble ou de manière indépendante. Conscious or instinctual decisions about whether or not we want to be harmonic and in sync, or if we want to be, you know, operating independently. And so I think the focus of the record becomes one. L'important est que nous jouons en tant que groupe quatre parties d'un ensemble. In harmony, because I think the ultimately the most important thing that both Gina and I do, and this extends to Nick and Sebastian, our rhythm section as well, is that we play as a band, as four, you know, four parts of one greater whole. And so the decisions that we make are to les décisions que l'on prend sont là pour compléter illustrate that cette philosophy idée. That we have as songwriters, that everything is important, every part of the puzzle tout est important. As valuable chaque as anything else. So that, for instance, une song like The Dirge is as important qui a son importance. As a song like Last Word or Beneath the Rose. Donc The Dirge est aussi important, you know, sort of que les morceaux traditionnellement rock kind of du disque. But I think Last Word, par exemple. Any one of those pieces, et si on enlève un de ces pièces du puzzle, l'ensemble sera incomplet. En parlant de groupe, justement, êtes-vous plutôt du genre à jammer? You know, in a rehearsal room, and is it the way you like write songs compared to, you know, a principal composer sending demos, tracking, you know, stuff with MIDI drums, for example, in his own home studio, for example? I think the ideal situation would be to be together and l'idéal serait de jammer. Organic ideas can happen that way more so. Car les idées les plus organiques peuvent émerger de cette façon. Okay, great. Yeah, so I think at the beginning of the record we had all these like individualized demos, and that really didn't make us. On a essayé d'écrire des démos au début de cet album, mais ce n'est pas ce qui marche le mieux pour nous. Jamais est un sentier pour un groupe. We do it on stage. On le fait autant que possible. Wherever we can. C'est ce qui crée un groupe. Because I think that's what makes a band. You know? Okay. During you know, before the show, écrivez-vous de la musique pendant les sound checks? Line checks. Do you create song that way sometimes? If you have enough time, of course. For like song checks, really. Unfortunately, there's malheureusement, usually not. Nous n'avons pas le temps de le faire. Flexibility. We're usually on a pretty tight schedule. Nous sommes souvent dans un timing assez serré. Baroness est connue pour une grande variété stylistique. Comment arrivez-vous à aborder différentes ambiances et à garder l'ensemble frais tout en conservant l'identité du groupe? Sort of pure. Okay. So how do you manage to keep it fresh while retaining the identity of a band intact? C'est instinctif. You know, we're capable. Nous savons of doing a si great nous sommes dans la bonne direction. Si quelque chose semble forcé, nous arrêtons et nous redoublons d'efforts pour que ce que nous faisons sonne comme nous. Ou alors, nous sentons si nous nous perdons, auquel cas, nous allons de l'avant. I think it, in many ways it's just that simple. It's not. C'est aussi simple que ça. An easy philosophy to put into. Ce n'est pas exactement facile à expliquer. But Mais ce que nous savons, c'est que lorsque quelque chose sonne comme nous-mêmes, nous le ressentons instinctivement. Coming together convincingly, then we'll just move, we'll naturally move on to something else. Okay, that does so would you? Est-ce que vous écrimez beaucoup d'idées? You know, yeah, I think you have. Il le faut. I think that's just the reality, right? C'est une réalité. We'd like to think that everything that comes. Nous pensons toujours que ce qui sort de nous, you know, va être le meilleur song arrangement, or le meilleur riff, like le meilleur arrangement, la meilleure mélodie. But it's not. Yeah. Mais ce n'est pas le cas. You have to learn. How to trust your bandmates to tell you. C'est pour ça qu'il faut apprendre à faire confiance à ses camarades de groupe. That's why I think playing music as a group is it's so critical that you trust the people that you play with. Quand ils te disent que quelque chose ne fonctionne pas vraiment, nous savons avoir confiance dans la vie des autres. To be the musician that you are, so we all have to look. It's sort of like we have to look out for each other, you know, and make sure that. Nous nous serrons donc les coudes. Pour que la musique sorte de manière pure. Sometimes when a band is like surrounded by yes men or yes women. C'est aussi mon idée. Parfois, quand un groupe se retrouve entouré de yes men, la musique perd en qualité. Just to write, car il n'y a plus de challenge. Melody, a good song or a good riff, you had to write maybe 30 shitty ones. Or more, I think more importantly. There's no one outside. Il n'y a personne en dehors de moi, Gina, Nick et Sébastien, qui ont le droit de nous dire ce qui est une bonne idée ou non pour nous. We're the ones who have to put these ideas into motion. Nous sommes ceux ultimately we're the ones that have to live forever with these ideas. Exécuter ces idées et vivre avec jusqu'à la fin de nos jours. I don't want to hear somebody else's mistakes. Je ne veux pas entendre les erreurs de quelqu'un d'autre sur notre musique ou alors les opinions de quelqu'un d'autre sur notre musique. My bandmates and ce que je veux entendre, ce sont les camarades de mon groupe, ce que nous sommes capables de faire en tant que groupe. I think that more often than not, maybe 99% du temps, all of that input, toute cette créativité all of that comes vient de l'intérieur, de nous, not to say that we won't listen to et pas de l'extérieur. Fairly fragile egos. We want, we're really excited when we're doing something that does excite people, but It's our idea, you know, it's the music that comes from us, and that's never going to have anything to do with an outside opinion. Yeah. As your latest album, est-ce qu'il y a un projet de nouvel album, étant donné que Stone avait déjà un an? Always. The answer to that is always yes, yes. There are always plans for a new record. Okay, so you never stop writing? Well, oui, you never toujours. Stop the cycle of being a band. Vous n'arrêtez jamais d'écrire. It's compartmentalized. On n'arrête jamais mode, d'être we un groupe. We dedicate ourselves fully to the tour. Ça dépend dans quel mode on est. Lorsqu'on est en tournée, on doit se concentrer pleinement à cette dernière. Mais quand on a le temps et l'inspiration, c'est toujours un bon moment pour écrire une chanson. Donc on ne s'arrête jamais. Okay, and a few years back, you chose to self-produce your albums on your own. Vous avez choisi de sortir votre musique sur votre propre label. D'où vous est venue cette idée? Well, the starting point was probably when we, you know, when all the four of us were kids and le point de départ knew each other yet, and we était que quand on a débuté et qu'on s'imaginait ce groupe pleinement indépendant, fonctionnel, et like capable band. So motivé par la créativité, les années passant, nous sommes devenus de plus en plus capables de réaliser ce rêve. Car nous sommes plus habiles avec, bien entendu, notre musique, mais également la façon de la produire et de la présenter au monde. Et nous sommes les meilleurs représentants de notre musique. Nous savons la défendre. Même si nous ne sommes pas les meilleurs producteurs au monde, les meilleurs musiciens au monde, mais ce que nous avons est l'honnêteté et notre vision pure that sort of et originale, in its purest form, sans empreinte extérieure. The more freedom we have, the more independence we have, and the more know-how that we bring into it, the better the example of. Si nous ressentons un sentiment d'accomplissement après un album et qui fait réagir les gens, c'est un pur bonheur. If it's great, then we feel a huge sense of accomplishment. at having made Mais something that, that si ce n'est pas bon, rea- that people nous pouvons react to. But if it's, nous en prendre it's no good, uniquement à nous-mêmes. We can only ce qui rend la propriété de cet art encore plus grand et plus profond pour nous. So, l'indépendance est clé pour vous, j'imagine. Yes. Yeah. Will the color album Est-ce que les albums couleurs vont revenir ou en avez-vous okay, fini so, thanks a lot for your time. C'est fini, thanks a lot. Merci beaucoup pour votre temps et la fantastique interview. Le concert sera au Motocultor 2024 à 21h55 le dimanche soir et les fans devront faire le choix entre Baroness ou alors Meshuggah. Un choix difficile. It's a tough choice, okay. But I'm gonna split side here and try to do both sides, both shows. Nice. Thanks a lot, and see you in the pit. Yep. Thank you so much. We'll be right back. Vous venez d'entendre Kings of Mercia, Kings of Mercia, ce projet du guitariste Jim Matheos qu'on a connu bien entendu au sein de Fates Warning et du chanteur du groupe de hard anglais qui s'appelle FM. Une belle rencontre ici au sein de leur deuxième collaboration, Battle Scars. A noter la participation de Simon Phillips à la batterie. Ça se voit le jour sur Metal Blade. On continue, sorti sur la Clonosphère, l'acte 2 du groupe Tsar, qui est un projet un peu mélange de pas mal de choses différentes qu'on écoute tout de suite avec Scylla and Charybdis, tout de suite dans Overdrive Radio Duo. Et après ça, on va passer aux Suédois de The Crown tout de suite avec leur dernier album. C'est Crown of Thorns, du pur thrash death metal avec le morceau Church Burner. Attention, ça ne fait pas vraiment dans la dentelle. Yes, et maintenant dans une veine black metal avec Aurillac et son premier album réédité sur les Acteurs de l'Ombre Productions, ce sera à la croisée des vents avec le morceau La Mort prédite pour quasiment terminer l'émission Overdrive ce soir. Hey. Drive, c'est terminé pour ce soir. On se dit à la semaine prochaine, même heure, même fréquence sur le 895 de Radio Dur. On remercie encore l'équipe du Motocultor et de la Ferrarock pour la possibilité d'avoir interviewé Baroness. On rappelle le www.facebook.com/overdrive-radio-dur. On rappelle également le www.facebook.com pour retrouver Overdrive Radio Dur, radiodur.org. Et Mixcloud pour les podcasts qui sont hébergés. On se quitte au son de Arafen Greimer qui nous sort cet album Niflheim's Oga pour une musique d'influence norroise qui va nous aider à quitter les ondes ce soir. Merci, ciao, bye bye.